Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu que nous prions chaque matin à 5h à OSB, il s'appelle El Shaddai, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Je vais parler à toi. Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas te donner 5 millions, 10 millions? Pourquoi regardes-tu toujours à ton salaire, à la petitesse de ce que tu as? Dieu est capable de faire de grandes choses. Oui, réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB. Nous allons lire Éphésiens chapitre 3. Versets 14 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui c'est Éphésiens chapitre 3, 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité, c'est que nous devons apprendre à formuler des prières pour demander des choses spirituelles à Dieu. Il n'est pas mal de demander l'argent, de demander le mariage, de demander le voyage, mais nous avons certains sujets pour lesquels nous oublions de prier. Nous allons voir ici les trois sujets importants que l'apôtre Paul nous révèle. Premier sujet pour lequel nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu nous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Au verset 14, il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » L'homme intérieur, c'est notre nouvelle nature. Vous voyez, souvent, lorsque nous nous sentons abattus, nous vivons des moments de preuve. Nous nous sentons découragés, abattus. Quand on est malade, l'homme extérieur s'affaiblit. Je vais parler à quelqu'un. Tu souffres depuis plusieurs mois. Tu as perdu même plus de 5 kilos, même 10 kilos. C'est vrai que tu es affaibli au niveau de ton homme extérieur. Ton visage même devient défiguré, pâle. Mais j'aimerais te dire que tu as besoin de prier pour que l'homme intérieur soit toujours puissamment fortifié. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te fortifie pour que ta foi ne soit pas ébranlée. Je vais parler à une femme, regarde bien. C'est vrai que tu es persécuté, opprimé même par ton mari. Ton mari ne te donne pas l'argent qu'il faut. Tu te bats toi seul pour avoir la popote. Tu te bats toi seul pour même scolariser les enfants. Et tu dis, je vais quitter ce foyer. Je vais te dire, ne quitte pas ce foyer. C'est un moment de preuve. Dieu va te fortifier. Dieu va pourvoir tes besoins. Prie le Seigneur pour qu'il te fortifie puissamment par son esprit dans l'homme intérieur. C'est vrai que c'est dur ce que tu vis, mais tu vas résister parce que le divorce ne fait pas partie du plan de Dieu. Si tu quittes la maison, tes enfants vont aussi souffrir. sujet. Deuxième sujet de prière. Nous devons apprendre à prier pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi. En fait, quand nous acceptons Jésus-Christ, il entre dans nos vies. Il est en nous. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Mais il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas cette présence-là. Ils pensent que lorsqu'ils vivent des moments difficiles, Jésus est sorti. Ou bien lorsqu'ils ont péché, que Jésus n'est plus là. Il y a des doutes qui s'installent. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit, il faut prier pour que nous réalisions, c'est ça la pensée, que Jésus-Christ habite en nous par la foi. C'est-à-dire, nous devons toujours avoir cette confiance que Jésus est là dans ma vie. Il ne m'a pas quitté, il ne m'a pas abandonné. Quel que soit le moment difficile, il est avec moi. Troisième sujet de prière, nous devons prier pour que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Il est dit au verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, et fondé dans l'amour. Vous voyez, l'amour de Dieu est la chose la plus importante. Nous devons d'abord réaliser combien Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans un examen, dans un concours que Dieu ne t'aime pas. Je vais parler à un jeune garçon. Regarde, tu as échoué un concours. Tu n'as pas eu ton visa. Mais ce n'est pas la fin du monde. Tu commences à avoir des pensées de suicide. Non, ne te suicide pas. Tu as un avenir meilleur. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces refus de visa, c'est Dieu qui l'a permis. Parce que le temps pour partir en Occident n'est pas encore arrivé. Mais entre-temps, attache-toi au Seigneur. Il y a des moments où le Seigneur va t'ouvrir des portes et tu vas partir de manière plus glorieuse encore. Ne te fais pas du mal à cause de cela. Réalise l'amour de Dieu. C'est pourquoi Paul dit que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. C'est-à-dire comprendre que cet amour est un amour solide, un amour vrai et que rien ne peut nous séparer de cet amour. Et il parle ici des dimensions de l'amour. C'est pourquoi il dit au verset 18 que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, vous voyez. C'est comme s'il est en train de présenter l'amour de Dieu avec ses dimensions cubiques, avec une hauteur, une longueur, une largeur, une profondeur. Lorsque je comprends toutes les dimensions de l'amour de Dieu, je ne peux pas me laisser ébranler par les circonstances. Je vais parler à quelqu'un. Pourquoi te laisses-tu ébranler parce que les gens font toujours des commentaires sur ta vie? Les gens n'acceptent pas ton ministère. Non, tu ne dois pas chercher à ce que les gens reconnaissent ton ministère. Il y a des gens qui veulent te décourager, hein, ma sœur. Lorsque tu chantes, ils te disent tu ne chantes pas bien. C'est pour que tu puisses baisser les mains. Mais si Dieu approuve ce que tu fais là, c'est ce qui est important. Tu dois comprendre l'amour de Dieu. Il dit, et cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Lorsque tu comprends, tu seras rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Deuxième grande vérité concerne la capacité divine. Oh, je parle à quelqu'un. Tu ne réalises pas la capacité divine. Lorsque tu es dans un problème, lorsque tu as un problème d'argent, lorsque tu as un problème de stérilité, je ne sais pas n'importe quel problème, où tu vois que humainement parlant c'est difficile, comprends bien. Il y a une capacité extraordinaire. Dieu peut faire. Le verset 20 dit, or, à celui qui peut faire, je veux que tu reprends ça, il peut faire. Ça veut dire que même pour les cas de mariage, vous avez dépassé 10 ans, sans enfant, même à 40 ans, tu vas dire, Dieu peut faire. Oh, tu ne connais pas quelqu'un. Pour aller en Europe, on te dit qu'il faut connaître quelqu'un pour avoir les visas. Tu ne peux pas avoir la loterie pour aller aux États-Unis. Hein? Tu vas dire, Dieu peut faire. Tu souffres d'une maladie. Les médecins ont dit que c'est incurable. Ils disent que tu ne peux pas guérir de ce diabète. Tu ne peux pas guérir de cette hypertension. On a découvert en toi une maladie du cœur bizarre. Mais dit Dieu peut faire. C'est-à-dire qu'il peut me guérir. Vous voyez, on dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance divine, la puissance du Saint-Esprit. Quand cette puissance agit, cette puissance neutralise même les germes des microbes de la maladie. Quand la puissance de Dieu agit, les chaînes qu'on t'a attachées par les sorciers de ta famille dans le village, ces chaînes peuvent tomber. Et je déclare que quelqu'un qui me suit maintenant, toi qui ne respires pas bien, tu sens comme si on t'étouffe. Il y a comme si un serpent qui t'enroule. La puissance divine est en train d'agir maintenant, là où tu es, dans la chambre. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi parce qu'il agit puissamment pour te libérer. Il agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Vous voyez la capacité divine, ça veut dire que Dieu peut faire. Parfois même lorsque tu as besoin, tu lui demandes 500 000. C'est de ça dont tu as besoin pour ton commerce. Mais je vais te dire, femme, Dieu te donnera le double. Et toi, tu seras étonné. Parce qu'il agit au-delà. C'est-à-dire, il dépasse même ce que toi-même tu as demandé. Il peut agir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Vous voyez, lorsque nous marchons en communion avec Dieu, c'est-à-dire que même tes pensées, tu n'as même pas commencé à lui demander. Dieu sait déjà. Et il peut te donner. Est-ce que tu comprends? C'est ce que Paul dit ici. Il dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Vous voyez? Donc, il y a des cas où nous demandons, il agit au-delà. Mais il y a des cas où même tes pensées, c'est-à-dire, tu désires seulement. Tu dis, maintenant, je vais avoir, avant la fin de cette année, je vais avoir télévision placement ou LCD. Vous voyez? La dernière marque là de télévision. Vous voyez? Il voit déjà ça. Et il peut agir, il peut t'en donner, mon frère. Pourquoi as-tu toujours peur? Regarde, tu as toujours la vieille marque de télé là. Maintenant, avant la fin de l'année, le Seigneur te donnera et tu vas témoigner. Parce qu'il peut agir au-delà de ce que tu lui demandes, au-delà de ce que tu penses. Et on dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous lever, nous allons chanter, nous allons glorifier ces rois des rois. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'ai né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh. excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir. Tu dis, Seigneur, tu peux faire. Tu as la capacité d'agir. Tu peux faire au-delà de ce que moi je te demande. Vois la grandeur de Dieu. Vois l'amour de Dieu. Et commence à le bénir au nom de Jésus. Bénissons ton nom dans nos vies, ô éternel, notre Dieu, notre Seigneur. Tu es le Dieu de victoire, c'est pourquoi nous t'élevons dans nos vies. Ô sois béni, éternel, notre Dieu, de ce que avec toi, quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser, avec toi, nous les transformons en victoire. Ô sois magnifié, notre Père, notre Seigneur, toi le Père de gloire. Nous bénissons ton nom. En ce moment, nous te glorifions. Toi, le Dieu de notre salut. Toi, notre victoire. Toi, le seul vrai Dieu. Parce que nous savons qu'avec toi, nous remportons des victoires. Oh, que l'honneur te revienne en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que vous êtes à l'émission OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la Brèche. C'est ça, Opération S sur B brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel et cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Éphésiens chapitre 3, 14 à 21. Nous venons de voir que nous devons apprendre à demander à Dieu que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que toi qui m'entends, tu te sens abattu. Ton corps est malade. Tu as des problèmes au niveau de ton travail. Tu travailles, mais tes chefs n'approuvent jamais. Ton patron veut te pousser à la porte. Prie mon frère, prie ma sœur, que tu sois fortifié dans l'homme intérieur. On peut toucher l'homme extérieur, mais l'homme intérieur, ta foi en Christ, pour qu'elle ne soit pas ébranlée. Prions le Seigneur pour qu'il nous fortifie au nom de Jésus. Éternel Dieu, c'est en toi que mon âme se confie. C'est de toi que vient mon salut. Oui, c'est toi qui es mon rocher, ô Père éternel. C'est toi qui es mon salut. C'est toi qui es ma haute retraite. C'est pourquoi je ne chancellerai jamais. Ce matin, je prie et je demande au Père éternel que tu renouvelles nos forces, que nous nous confions en toi et que tu renouvelles nos forces, que notre homme intérieur soit plus fort, que nous soyons édifiés dans notre foi. Tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. C'est pourquoi nous prions ce matin pour le renouvellement de nos forces en Jésus-Christ. Que notre foi soit inébranlable. Que notre foi et notre zèle soient au-dessus de tout obstacle, de tout blocage placé par l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Les obstacles des ennemis, les obstacles que placeront l'adversaire devant nous, seront surmontés par notre foi, par notre zèle. Donne-nous cette force, ô Père éternel, pour traverser ces moments difficiles et être un témoignage partout où nous irons. Donne-nous cette force, ô Père éternel, pour résister aux traits enflammés de l'ennemi. Tu as dit dans ta parole, résister. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Merci Père éternel pour cette force que tu nous donnes, pour ce zèle que tu nous donnes, pour notre homme intérieur qui est de jour en jour édifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous devons prier pour que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour de Dieu. Que nous puissions réaliser les dimensions de l'amour de Dieu, la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, qui sont déprimés, qui vivent des moments difficiles, qui commencent à douter de l'amour de Dieu, afin que le Saint-Esprit leur ouvre l'intelligence, afin qu'ils soient enracinés, fondés dans cet amour, qui s'accroît toujours à l'amour divin. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Gloire à toi, parce que tu as tellement aimé le monde et tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous disons que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas. Et ceux avec qui nous vivons, nous ne les aimons pas. Nous sommes des menteurs. Et apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur, notre âme, notre force, notre pensée, à aimer notre prochain. Seigneur, le prochain, le plus immédiat, ce sont nos enfants, notre épouse, notre mari, nos frères en Christ, nos frères biologiques. Nous te prions même à aimer nos ennemis. Sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Apprends-nous à aimer comme tu as aimé, tu t'es sacrifié. Tu as aimé et tu es allé à la croix comme une brebis qu'on envoyait à la boucherie. Apprends-nous à aimer, à découvrir les profondeurs de ta parole. Ô Seigneur, c'est notre vœu, c'est notre désir, c'est notre souhait. Nous t'en supplions, nous t'implorons, Seigneur. Viens à nos secours. Il ne s'agit pas de prêcher la parole, de la faire connaître. Il n'est pas aimé Dieu et son prochain. Apprends-nous à découvrir la profondeur de ton amour. Merci Seigneur, gloire à toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir la capacité divine. Dieu peut faire. Il peut guérir, il peut ouvrir les portes. Il nous donne au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Tu vas prier le Seigneur pour que la puissance divine se manifeste maintenant dans ta vie, là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je proclame. Je ne sais pas quel est le sujet pour lequel tu commences à douter. Tu vas commencer à proclamer. Tu vas dire, Seigneur, tu peux faire telle chose dans ma vie. Parce que tu agis puissamment au-delà de ce que tu demandes. Tu peux faire. Tu peux m'ouvrir les portes du voyage. Tu peux me donner une maison. Tu peux me donner un travail. Tu peux m'ouvrir les portes de la gloire, de l'élévation. Tu peux me donner un ministère prospère. Tu peux m'utiliser. Tu vas confesser ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es notre bienfaiteur, tu es notre goël, tu es le Dieu qui bénit, tu es notre rocher, tu es le Dieu qui exerce nos mains au combat. C'est toi, Éternel, qui nous a fait et tu connais chacun de nous, le talent que tu as mis en nous, la grâce et la faveur que tu as mis en nous. Si en ces temps-ci, cela ne s'est pas encore manifesté, je proclame maintenant que tu utilises quelqu'un par l'onction du Saint-Esprit pour annoncer ta parole, à marcher dans sa destinée. Seigneur, je proclame que cette femme maintenant même s'élève et elle marche. La paralysie la quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je proclame que tu donnes la vitalité, tu donnes la santé au corps de ce frère. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que cette sœur n'aura plus besoin d'aucune forme de médicament pour être en pleine forme. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que tout verdict négatif est brisé dans le sang de Jésus. Je proclame la liberté de ce frère parce que toute malédiction, tout sort, toute parole incantatoire qui influençait cette sœur, cela est brisé, ôté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, grâce sur grâce, tu ouvres des portes d'emploi. Avec toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la vie en abondance, la joie, la réconciliation, la bénédiction de tout genre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que les dimanches, 22 novembre, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal spéciale réservée aux couples mariés. Ne manquez pas parce que nous allons approfondir notre thème qu'on a commencé la fois dernière sur la communication dans le mariage. Nous allons voir comment nous devons apprendre à communiquer. Beaucoup de couples aujourd'hui ont des problèmes parce qu'elles ne communiquent pas. Donc ce sera dimanche 15 à partir de 17h au CPE. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse et à demain. Même heure, même chaîne.